Really put man in, really put bando. In the flesh, he was running them legs, This bitch thinks Brian is back from Canada. Elle est sexy, c'est la quiche, bientôt Percy, voilà, mi fa. Et le bédo, faut le détailler. Le tétré, faudrait l'employer. Un poteau, faut le dépanner. Coupé platine quand t'es dépanné. Elle est sexy, de la quiche, bientôt Percy, voilà, mi fa. Et le bédo, faut le détailler. Le tétré, faudrait l'employer. Un poteau, faut le dépanner. Coupé platine quand t'es dépanné. Fais platine quand t'es dépanné. Dans le four quand t'es dépanné. Dans le piano quand t'es dépanné. Je m'en fous, je vais tous les canner. Dans ce game, veut me passer devant. Ils sont morts, mais j'ai pris les devants. Ils sont fans de mecs qui ont pas de dents. Mais pa-pa-pa-pa-pa. J'suis dans ta pa-pa-pa-pa. On est trop pa-pa-pa-pa. On est trop pa-pa-pa-pa. J'suis pas trop dehors, dehors. J'traîne plus dehors, dehors. Je fais mes sous dans les cas où demain c'est mort, c'est mort. Dodger, Nia, Vitan, Lila. Toi t'es Mina, de tu sens la Ria. Elle est sexy, t'es là, qui j'ta. Bientôt, merci. Voilà, mi fa. Et le bédo, faut le détailler. Le tétré, faudrait l'employer. Un poteau, faut le dépanner. Coupé platine quand t'es dépanné. Elle est sexy, de la quiche. Bientôt, merci. Voilà, mi fa. Et le bédo, faut le détailler. Le tétré, faudrait l'employer. Un poteau, faut le dépanner. Coupé platine quand t'es dépanné. Yo, shake it, shake it. Give me that bumper. This fit team's throwing it back, feel under attack, man. It sounds like thunder. Really put man them 6 feet under. DDD cap that whip, now I got foot chase trying to dodge that under. Chain up a yardie, what the bumper? Man, no living, traffic in it. This team wanna be my missus. 5'5" and I back to the biggest. German whip, man, skid. Bro, man's taking a risk. I'm star with a 252, though you know man's making a flip. OT, short in, trap house. Squatting, trying to get it popping. Straight up, get that locking. Who's my man giving that cheap ass beat to me right when you're dealing with me? Yo, big DV on my neck. You see from far that I'm letting it clean. Sexy, de la quiche, bientôt, merci, voilà, mi fa. Et le bédo, faut le détailler. Le tétré, faudrait l'employer. Un poteau, faut le dépanner. Coupé platine quand t'es dépanné. Elle est sexy, de la quiche, bientôt, merci, voilà, mi fa. Et le bédo, faut le détailler. Le tétré, faudrait l'employer. Un poteau, faut le dépanner. Coupé platine quand t'es dépanné.